Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda amma ba'du fa. Aujourd'hui le 10 du mois de Sha'ban de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons la 11e assise de notre série d'assises sur le commentaire du livre ou sous le sunnah, les fondements de la sunnah de l'imam al-mubaddal Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullah ta'ala, qui est mort en 241, Ahsantum, Hafidakumullah. Nous étions arrêtés à cette parole, croire en la vision d'Allah dans la demeure de l'au-delà. Il dit, rahimahullah, dans le sens de ses paroles, croire en la vision, le jour de la résurrection, comme cela a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths authentiques, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur. Cela est authentiquement rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qatada, le rapport de Ikrima, qui le tient d'Ibn Abbas, ainsi que Al-Hakam Ibn Abban, le rapport de Ikrima, qui le tient d'Ibn Abbas, et Ali Ibn Zayd, le rapport aussi de Yusuf Ibn Mihran, qui le tient d'Ibn Abbas. Pour notre part, nous comprenons ce hadith dans son sens apparent, comme il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parler sur ce sujet est une innovation. Seulement, nous croyons à ce hadith comme il nous a été rapporté dans son sens apparent. Et nous ne discutons avec quiconque concernant cela. Encore une fois, il est appréciable de remarquer ce par quoi conclut l'imam Ahmad cette partie ou ce fondement de la sunna, ce par quoi il conclut plusieurs de ses fondements qu'il a rapporté précédemment, ce à propos de quoi nous avons parlé dans différents cours ou dans plusieurs cours précédents concernant cette parole qui est très très importante, les frères, barakallahu fikum. Parler sur ce sujet est une innovation. Parler, c'est-à-dire discuter, se disputer à propos de ce sujet comme on l'a vu précédemment. Seulement, nous croyons à ce hadith comme il nous a été rapporté dans son sens apparent. Et nous ne discutons avec quiconque concernant cela. Il était donc obligatoire de croire en ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de le rendre véridique et de ne pas chercher à savoir pourquoi ni comment, mais plutôt ta foi implique que tu rendes véridique le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il te rapporte et ce qui est rapporté authentiquement de lui sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci fait partie, comme nous l'avons étudié précédemment, des fondements même de la sunna. Des fondements même de la sunna. À l'inverse des gens de la scolastique. Qui sont les gens de la scolastique? Ce mot un petit peu étrange qu'on a rapporté plusieurs fois. Fadda. Ahlul kalam. En quoi consiste? Philosophie. C'est une sorte de philosophie. Mais en quoi consiste? Quelle est la définition de ilmul kalam? Ou de la science de la scolastique? Comme on traduira en français, tfaddal. Les croyances religieuses avec la raison. Ahsant, l'affirmation des croyances religieuses par la raison. C'est la définition de la scolastique, ce qu'on appelle en arabe ilmul kalam. Et les gens de la scolastique, ahlul kalam, sont nombreux, parmi eux al-asha'ira, al-mu'tazila et autres que eux. Ceux qui affirment donc les croyances religieuses, pas par ce par quoi affirment les croyances religieuses les gens de la sunna. Par quoi nous affirmons les croyances religieuses, les frères? Le Coran et la Sunna. Le Coran et la Sunna selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis dans le bien. A l'inverse des gens de la Sunna, les gens de l'innovation parmi Ahlul Kalam affirment les croyances religieuses par la raison. Et c'est cela, la science de Al-Kalam, donc la science de la scolastique. Donc à l'inverse de ces gens-là, nous, notre foi, nous implique de rendre véridique le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ne pas poser la question pourquoi ni comment. Comme l'a dit l'imam Ahmed dans les fondements précédents, si vous vous rappelez, lorsque nous avons parlé de Al-Qadar, de la prédestination. Alhamdulillah. Al-Sheikh Al-Allama Rabi' ibn Hadi Hafidahullah dit, l'auteur dit, croire en la vision le jour de la résurrection comme cela a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des hadiths authentiques. Il dit, on a déjà parlé de la vision. Et on va en parler aussi aujourd'hui, c'est par ceci que nous allons terminer le cours d'aujourd'hui, incha'Allah ta'ala. Pardon, nous allons terminer le cours sur... c'est sur ceci que va porter le cours d'aujourd'hui. Nous allons terminer le cours sur une partie concernant Al-Kalam, donc la parole d'Allah Azzawajal. Mais nous avons déjà parlé de la vision précédemment. Puis il dit, l'imam Ahmad, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur. Cela est authentiquement rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis il rapporta, l'imam Ahmad, certaines chaînes de transmission qui rapportent cela. Puis il dit, pour notre part, nous comprenons ce hadith dans son sens apparent. Ici, Ashir dit, certaines personnes se sont attachées à cette parole d'Ibn Abbas et de l'imam Ahmed et ont compris qu'ils disent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur à l'œil nu. Puis Ashir Rabi' de dire, le Sheikh al-Islam, donc Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui est mort en quelle année ? Fadl Mahdi. 728. 728, les frères ? Ah, 726 ou 728 ? 728, Ahsantum. Mahdi, tu es spécialisé dans les dates maintenant, Allah Mabarak. Qu'Allah te préserve. Donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit : la parole de Ahmed et d'Ibn Abbas a été rapportée de façon absolue et de façon restreinte. Faites bien attention à ces deux termes. La parole de Ibn Abbas et de l'imam Ahmed, ces paroles ont été concernant la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Cette parole a été rapportée de manière absolue, c'est-à-dire de manière absolue qu'il a vu son Seigneur. Ceci est absolu, il a vu son Seigneur. Et de manière restreinte. La manière restreinte sera l'explication de la manière de laquelle il a vu son Seigneur. Faites bien attention à cela, c'est le sujet du cours d'aujourd'hui. C'est-à-dire que Ibn Abbas dit de façon absolue que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur. Et parfois il dit de façon précise qu'il a vu son Seigneur par son cœur. Ce qui est juste, c'est ce que dit Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il n'a pas été authentiquement rapporté dans le livre d'Allah, ni dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aurait vu son Seigneur. Puis Ashir de dire, dans l'authentique de Muslim, il dit qu'il a vu son Seigneur par son cœur à deux reprises. Faites bien attention, puisque cette parole de Sheikh Rabi' ici, concernant la manière absolue et la manière restreinte, est cette chose qui a amené plusieurs personnes à diverger concernant cette affaire. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur ? Nous avons vu dans les cours précédents ce qui touche à la vision. C'est-à-dire que, si vous vous rappelez, les serviteurs verront leur Seigneur au jour du jugement. Ils le verront, et ceci, comme je l'ai évoqué, sera le plus grand délice qui leur sera accordé au paradis. Les serviteurs croyants, le plus grand délice qui leur sera accordé au paradis, c'est la vision d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous avons évoqué cela dans un cours précédent, si vous vous rappelez. Et ici, ce qui est traité, c'est est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur avant le jour du jugement ? Et on pourra aussi faire ramifier de cette affaire, ou c'est-à-dire parler, lorsque nous parlons de cette affaire, de est-ce qu'il est possible à un serviteur de voir son Seigneur dans cette vie d'ici-bas ? C'est-à-dire avant le jour du jugement, avant de mourir. Donc faites bien attention à ces termes concernant ce qui est rapporté de manière absolue ou spécifique. Il dit donc, dans l'authentique de Muslim, il dit qu'il a vu son Seigneur par son cœur à deux reprises. Il dit qu'il a vu son Seigneur, donc, qui dit qu'il a vu son Seigneur ? Ibn Abbas dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur à deux reprises, puisque les hadiths qui sont rapportés ici sont des hadiths rapportés d'Ibn Abbas. Donc, il dit, Shir, dans l'authentique de Muslim, il dit, Ibn Abbas, qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son Seigneur, par son cœur à deux reprises. Comme Allah dit, dans une traduction approximative du sens du verset, le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Donc, surat al-Qamar, le verset numéro 13. Allah dit, dans une traduction approximative du verset, il l'a pourtant vu lors d'une autre descente. l'étoile, surat al-Najm, le verset numéro 13. C'est-à-dire par deux fois. Donc, il l'a pourtant vu lors d'une autre descente, c'est-à-dire par deux fois. Puis, Ash-Shir de dire, dans le hadith de Masrouq, Aïcha fut interrogée, radiyallahu anha, à ce propos. À ce propos, donc à propos de ce verset. Ce verset qui est, il l'a pourtant vu lors d'une autre descente. Donc ici, il y a une erreur. Vous pouvez, s'il vous plaît, corriger cette erreur dans Al-Azw. C'est-à-dire donc, ici, le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. La lune, donc, surat al-Qamar, la surat numéro 54, verset 13. Ceci est faux. Ce verset, le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu, est le verset numéro 11 de surat al-Najm, l'étoile. C'est écrit, voilà, en fait, il dit, le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu, la lune, verset 13. Puis il dit, Allah dit, et ensuite il évoque l'étoile, verset 13. C'est ça que vous avez, hein, voilà. Comme je vous ai dit, moi, la traduction, je ne suis pas là pour la réviser, en fait, cette traduction, mais en avançant dans notre explication, on trouve certaines erreurs qui sont propres à l'être humain, sans aucun doute. Donc n'hésitez pas à rectifier ces erreurs sur votre livre. Donc le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Ceci est la parole d'Allah Azzawajal dans le sens approximatif de ses paroles, dans surat al-Najm, l'étoile, le verset numéro 11. Puis il dit, dans le verset numéro 13, il l'a pourtant vu lors d'une autre descente, c'est-à-dire par deux fois. Dans le hadith de Masrouq, Aïcha radiallahu anha fut interrogée à ce propos, c'est-à-dire à propos de ce verset. Elle répondit, il y a trois choses au sujet desquelles celui qui t'en parle aura inventé de grands mensonges contre Allah. Parmi ces choses, elle cita, quiconque dit que Muhammad a vu son Seigneur invente un grand mensonge contre Allah. Donc ici nous voyons dans cette parole que notre mère Aïcha radiallahu anha nie que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur. Et dans le hadith d'Ibn Abbas, nous voyons qu'il dit qu'il l'a vu. Ceci est le sujet. Comme vous le savez, ces fondements de la sunna sont, comme on l'a évoqué précédemment, le sens d'un fondement, d'un asl, dans cette science que nous étudions, la science de l'manhaj, ou la science de l'aqida, la science de la méthodologie, ou la science de la croyance. Quel est le sens de l'asl, du fondement? On a dit un fondement, c'est celui qui contredit un fondement, il sort de la sunna. Ahsant. Le fondement, dans cette science que nous étudions, la science de la croyance, ou de manière plus générale, la science de l'manhaj, de la méthodologie, n'a pas la même signification que dans la science, par exemple, des fondements de la jurisprudence. Ici, on parle de l'asl, le fondement. Le sens de ce fondement est que celui qui ira à l'encontre de l'un de ces fondements ne fera pas partie des gens de la sunna. Comme l'a évoqué l'imam Ahmed ici, comme l'a évoqué l'imam al-Barbahari dans ce livre Sharh al-Sunna, et ceci est quelque chose que nous avons déjà étudié en détail. Si l'imam Ahmed a évoqué ce point ici dans les fondements de la sunna, c'est que c'est une chose qui fait partie des points, des caractéristiques principales qui caractérisent les gens de la sunna, qui ont donc été contredits par les gens de l'innovation. Et les gens de l'innovation ont prétexté lorsqu'ils ont contredit les gens de la sunna, concernant la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont prétexté cette soi-disant divergence entre les compagnons. Mais sachez, comme nous l'avons déjà évoqué précédemment, que les compagnons, radiallahu anhum, n'ont jamais divergé dans la croyance. Contrairement à ce que certaines personnes veulent véhiculer, parmi des gens qui s'apparentent à la science, et certaines personnes parmi des ignorants, veulent véhiculer et pensent être justes lorsqu'ils parlent de cela en disant qu'ils ont divergé quand même dans certaines choses qu'ils ont attrait à la croyance. Ici, nous allons voir une réfutation de cette parole-là. Et ceci, sans aucun doute, est de l'ignorance de la part de ces personnes-là. Et concernant les gens parmi ceux qui disent cette parole qui s'apparente à la science, sans aucun doute, ce sont des gens qui cherchent à semer le trouble dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas. Il dit, Hafidahullah, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, fut interrogé à ce propos selon le hadith d'Abi Dharr, en plus de celui de Aïcha. Et il répondit, donc il fut interrogé, as-tu vu ton Seigneur? Ô messager d'Allah, as-tu vu ton Seigneur? Il répondit, dans une traduction approximative, il dit, il y a une lumière, ou une lumière, comment pourrais-je le voir? C'est-à-dire que, à ce moment-là, Donc lors de, ici on parle bien sûr de l'ascension et du voyage nocturne, ou du voyage nocturne et de l'ascension, à ce moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fut révélé, où Allah azza wa jalla révéla au prophète sallallahu alayhi wa sallam les cinq prières quotidiennes. Il dit, lorsqu'on lui a posé la question, comme dans ce hadith de Abu Dharr, qui est un hadith authentique, qui est rapporté par l'imam muslim, « As-tu vu ton Seigneur ?» Il répondit, « Une lumière, comment pourrais-je le voir ?» Il y a une lumière, comment pourrais-je le voir ? Et Cheikh Rabi' de dire, c'est-à-dire que cela est exclu. Il a donc exclu la vision. Ceci, comme il l'a dit, pour appuyer le hadith de Aïcha, radiyallahu anha. Donc ce que nous sortons d'ici de ce que nous avons vu, le hadith de Aïcha, le hadith de Abu Dharr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu son Seigneur. On est d'accord. Mais on a ce hadith d'Ibn Abbas qui est rapporté ici par l'imam Ahmed dans le livre. Comment pouvons-nous donc comprendre et réunir tous ces ahadiths ? Nous dirons, comme l'a dit Cheikh ici et comme il va le dire ici, qu'il y a des ahadiths qui sont absolus et d'autres qui sont particuliers. Et tu ne peux pas prendre, et tous sont authentiques. Tous ces ahadiths sont authentiques. Ici, on a un hadith rapporté dans le Sahih de l'imam muslim, le hadith d'Ibn Abbas rapporté dans le Sahih de l'imam muslim. Comment réunir tout cela ? Tu ne peux pas prendre une partie de la sunna et délaisser une partie. Tu ne peux pas prendre une partie du livre et délaisser une partie. Ceci est la voix des gens du livre parmi les juifs et les chrétiens. De même qu'une règle qui est très importante, écrivez-la. Al-aslu fi dalil al-i'mal wa laysa al-ihmal. Dans le sens approximatif, la base concernant la preuve, c'est d'utiliser cette preuve et non de la mettre sur le côté. La base concernant la preuve, donc la preuve, la parole d'Allah ou la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La base concernant la preuve, c'est de l'utiliser et non de la délaisser. Al-aslu fi dalil al-i'mal la al-ihmal. Donc lorsque tu as une preuve, là-bas, ce n'est pas de dire que j'ai cette preuve-là et j'ai cette preuve-là, je délaisse celle-ci et je prends celle-ci. Non. Là-bas, c'est que tu dois œuvrer, que tu dois utiliser l'ensemble des preuves. Nous l'avons déjà vu précédemment, cette affaire-là. Le fait que les gens de l'innovation se sont égarés au moment où, et ceci est propre à l'ensemble des gens de l'innovation, comme on l'a dit, à quel moment ils se sont égarés ? Fadal. Où ils ont suivi leur passion, ils ont suivi Al-Mutashabi, c'est-à-dire les versets équivoques qui prêtent à d'interprétations diverses. Et l'ensemble des gens de l'innovation se sont égarés lorsqu'ils ont suivi les versets qui prêtent à équivoques. Ceci est une base et une caractéristique principale de ces gens-là. Si vous vous rappelez, lorsque j'ai rapporté une partie du débat d'Ibn Abbas avec Al-Khawarij, de même que ce hadith de Yazid Al-Faqir et autres que cela. Alhamdoulilah. Ici encore une fois, ceux qui se sont égarés concernant cette affaire ont pris une partie des hadiths rapportés et ont délaissé une autre partie. Mais les gens de la sunna ont utilisé l'ensemble des hadiths et ont compris, comme l'ont compris les pieux prédécesseurs de cette communauté, comme on va le voir ici. Simplement, avant d'arriver à cette conclusion, une chose qui est propre à As-Soufiya, les soufis. Ce hadith rapporté par Abu Dharr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui demande « As-tu vu ton Seigneur ?» Il répondit « Nourun anna arahu » Dans le sens approximatif de ces paroles, une lumière, comment pourrais-je le voir ?« Nourun anna arahu » Ici, « anna » en arabe, c'est-à-dire « comment ?»« Anna » ça veut dire « keifa » comment ?« As-soufiya » Ils ont pris cette hamza que tu as au-dessus du alif de Anna et ils l'ont mise en bas. Inni arahu. Ils ont mis deux points sur l'alif al-maqsoura, un ya, et ils ont pris cette hamza et ils l'ont mis en dessous. As-Soufiya, lorsqu'il rapporte cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il la falsifie. Et ceci est propre aussi aux gens de l'innovation. Lorsqu'ils disent istawa, istawla. Et autre que cela. comme on va le voir dans les cours prochains, incha'Allah ta'ala. Donc, As-Soufiya, lorsqu'il rapporte ce hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils disent, « Nourun inni arahu ». Donc, la différence entre les deux, quelle est-elle? La différence entre les deux, c'est que la première, « Nourun anna arahu », comme on l'a traduit ici, donc une lumière, comment pourrais-je le voir? Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ici, nie avoir vu son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Dans la deuxième manière de le dire, donc la manière de As-Soufiya, « Nourun inni arahu », c'est une lumière, je le vois certes, je l'ai certainement vu. L'inverse. Et bien sûr, As-Soufiya, lorsqu'ils rapportent ceci de cette manière-là, ils ont un but derrière cela. Puisqu'ils disent qu'ils prennent eux-mêmes les législation d'Allah tabaraka wa ta'ala directement, qu'il parle directement avec Allah, et autre que cela parmi les croyances erronées de As-Soufiya. Donc eux, ils veulent affirmer le fait que le serviteur peut voir son Seigneur dans cette vie d'ici-bas. Et ceci, sans aucun doute, n'est pas la réalité. Plutôt, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la plus honorable des créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu son Seigneur comme il a été rapporté ici, comme il l'a dit lui-même. Comment autre que lui pourrait le voir? Et lui-même dit, dans un hadith rapporté par l'imam muslim, il dit « Innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu » Vous, certes, vous ne verrez pas votre Seigneur jusqu'à ce que vous mouriez. Ce hadith est rapporté dans le sahih de l'imam muslim et c'est une preuve qui tranche dans cette affaire. Peut-on voir notre Seigneur dans cette vie d'ici-bas, c'est-à-dire avant le jour du jugement? La réponse est non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le plus honorable des êtres humains, ne l'a pas vu. De même qu'il affirme que nous ne le verrons pas jusqu'à ce que nous mourions. Une fois que tu connais ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu le rapportes ou tu le mets en corrélation avec ces autres hadiths que nous avons vus précédemment concernant la vision des croyants d'Allah tabaraka wa ta'ala au jour du jugement. Et ici, tu comprends la croyance des gens de la sunna. Il est impossible de voir Allah tabaraka wa ta'ala dans cette vie d'ici-bas et nous verrons Allah, et ceci sera le plus grand délice qui sera accordé aux croyants, la vision d'Allah tabaraka wa ta'ala yom al-qiyamah. La croyance est claire ici? Barakallahu fikum. Il y a plus de détails, bien sûr, mais encore une fois, comme je l'ai dit, ici nous sommes dans une explication concise et je fais le commentaire de l'explication de Cheikh Rabia. Comme vous l'avez vu, il y a d'autres preuves à rapporter, etc. Moi, je me contente ici de ce qu'a rapporté Cheikh et je commente ce qu'a rapporté Cheikh. C'est la condition que nous nous sommes mis au début de notre cours. Donc, après cela, ici, j'aimerais juste lire cette parole pour faire une petite révision avec vous de ce que nous avons étudié dans la science de l'Mustalah, Mustalah al-Hadith. Il dit, Ashir, « Et les deux chaînes de transmission que l'auteur a rapportées souffrent d'un déficit. Qatada, le rapport de Ikrima qui est le tiers d'Ibn Abbas. » Si vous vous rappelez, au début du cours, j'ai évoqué ces chaînes de transmission que l'imam Ahmed a évoquées. Ici, Ashir Rabi a dit qu'elle souffre d'un déficit. Déficit. Et Al-Hakam ibn Abban, le rapport de Ikrima qui le tient d'Ibn Abbas. Au niveau de la première chaîne de transmission, Al-Hakam ibn Abban souffre d'erreurs de confusion. Faites bien attention à ça. Il souffre, il dit que la chaîne de transmission est déficiente. Donc elle n'est pas exacte. Pourquoi? Cheikh Rabia nous dit car Al-Hakam ibn Abban souffre d'erreurs de confusion. Malgré le fait qu'il soit véridique. C'est quelqu'un de véridique, mais il est confus lorsqu'il rapporte. Nous avons déjà étudié certains de ces termes lorsque nous avons étudié la science de la terminologie du hadith. Quant à la deuxième chaîne de transmission, il y a Ali ibn Zayd ibn Jud'an qui est déficitaire et il y a aussi Yusuf ibn Mihran qui est inconnu. Il est inconnu, on ne sait pas qui il est. En dehors de Ali ibn Zayd ibn Jud'an, personne n'a rapporté de lui. Avez-vous compris? Ces deux chaînes de transmission se limitent donc au niveau du compagnon. Ici, simplement, j'ai rapporté cela, c'est pour ne pas rentrer dans les détails, simplement pour réviser avec vous une partie de ce qu'on a vu dans les cours de l'Mustalah. On a dit dans les cours de l'Mustalah qu'un hadith, pour qu'il soit jugé comme étant faible, ou un hadith, pour que les savants le jugent de hadith faible, il y avait plusieurs causes. Quelles sont ces causes? Une révision rapide comme ça, les frères, barakallahu fikoum, c'est quoi? Soit... Il y a une interruption dans la chaîne une personne lui rapporte un hadith de quelqu'un qu'il n'a pas pu voir ni rencontrer physiquement. Une interruption, Hassan. Une interruption dans la chaîne de transmission. Une coupure au niveau de la chaîne de transmission. Et la deuxième, Hassan, une critique d'un rapporteur. C'est deux causes. C'est deux causes qui sont les causes de la déficience d'une chaîne de transmission. Soit une coupure dans la chaîne de transmission, soit, comme l'a dit Hassan, hein, une critique sur un des rapporteurs. Concernant la coupure de la chaîne de transmission, on a dit que ceci se divisait en quatre. On a évoqué dans les cours ces quatre sortes de coupures qu'on ne va pas évoquer ici. On va l'évoquer ici. Qui les évoque rapidement, sans les définir, hein? Al-Mursal. Là. Al-Mawquf, là. Al-Mu'allaq. Al-Mu'adhal. Ou Al-Muntati'a. Ahsantum. Ces quatre sortes. Concernant ici, et c'est ce qui est en question ici, la critique d'un rapporteur. On a dit que la critique d'un rapporteur se divisait en deux. Soit on le critique concernant ceci, soit on le critique concernant cela. Quelles sont ces deux choses? Sa mémorisation. Sa mémorisation. Et sa piété. On peut dire comme ça. C'est-à-dire sa religion, soit une parole, c'est-à-dire une critique, soit sur sa religion, soit sur sa mémorisation. C'est deux sortes de critiques. Et chacune de ces sortes, les savants ont rapporté cinq causes. C'est-à-dire qu'on a en tout 10 causes de critique d'un rapporteur. 5 concernant sa religion et 5 concernant sa mémorisation. Ici, on parle de mémorisation. Sa mémorisation. Ici, on parle de sa mémorisation. Et concernant Ali ibn Zayd ibn Juda'an, on parle de sa religion. C'est-à-dire qu'on dit qu'il est, inconnu déjà à la base. Il est inconnu, on ne sait pas qui il est. Mais concernant, donc on ne peut pas statuer sur son sujet. Mais concernant les autres qui ont été rapportés ici par Cheikh Rabi', Hafidahullah, on dit qu'un tel est, il a dit donc que Al-Hakam ibn Abban souffre d'erreurs de confusion. Donc il fait beaucoup d'erreurs. C'est quelqu'un de véridique. Donc dans sa religion, il est viable. Mais concernant sa mémorisation, il est déficient. Donc à partir de là, on critiquera ce rapporteur, et ce rapporteur qui rapporte donc sa chaîne de transmission, ce qui fait que cette chaîne de transmission ne sera pas une chaîne de transmission qui sera viable. C'est bon, vous êtes rappelé un petit peu les cours, les frères? C'est juste pour faire un petit rappel. Barakallahu fikoum. Ici, Ashir de dire, ici un propos se limitant au compagnon Ibn Abbas, radiallahu anhuma, est contredit par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette parole rapportée par Abu Dharr, il y a une lumière, comment pourrais-je le voir? Ibn Abbas affirme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur. Comment réunir les deux? Donc ici vous avez compris que ici on réfute les gens de l'innovation qui disent que une des deux paroles n'est pas à prendre en compte, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu son Seigneur de manière catégorique, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur de manière catégorique avec ses yeux. Ici, on va réfuter cette parole-là. Ici, un propos se limitant au compagnon Ibn Abbas est contredit par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il y a contradiction, attention ici, une règle très importante que Shir évoque. Lorsqu'il y a contradiction entre la parole d'un compagnon et celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est celle que l'on doit préférer? Hein? Celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. A plus forte raison, ayyou al-ikhwa, lorsque la parole d'un savant, même si c'est un savant de la sunna, même si c'est un grand savant, contredit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne nous fanatisons pas par rapport aux paroles des hommes, mais plutôt nous suivons la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La preuve est la chose que le musulman qui s'apparente à cette voie, la voie de nos pieux prédécesseurs, doit suivre dans tous les cas. Et ni la parole d'une personne, qu'il soit aimé auprès de toi, que ce soit ton père, ton fils ou autre que cela, mais plutôt, si cette parole est fausse, tu dois le dire, cette parole est fausse. Et comme je l'avais évoqué dans des cours précédents, combien parmi des parents, des grands rapporteurs du hadith, disaient sur leur père, celui-ci c'est mon père, je l'aime pour Allah, mais il est faible. L'imam Malik qui disait, je rapporte, je demande à telle et telle personne parmi les gens de Médine, je leur demande de faire du'a, mais je ne prends pas de eux le hadith. Cette chose est la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est comme cela. Donc, la preuve est ce qui nous mène tous. Ni la parole d'un tel, ni la parole d'un tel. Et comme l'a dit Ibn Abbas, radiallahu anhuma, et ceci est un bon moment pour le rappeler, puisque c'est lui qui rapporte ce hadith. Yushiku an tunzala alaykum hijaratun minas sama. أقول لكم قال رسول الله وتقولون لي قال أبو بكر وعمر. Il s'en faut de peu que descendent sur vous des pierres venant du ciel. Je vous dis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et vous me dites, Abu Bakr a dit et Omar a dit. Les deux meilleurs de cette communauté. Qu'en est-il de ceux qui viennent après eux? Parmi les savants que nous respectons de cette communauté, mais si une de leurs paroles contredit la preuve, nous ne prenons pas sa parole sans aucun. Nous ne nous fanatisons pas pour les hommes. Il dit donc, quelle est celle que l'on doit préférer? Sans aucun doute, celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ceci est une règle, une qa'ida manhajiyya, une règle dans notre méthodologie. Et plutôt, ceci fait partie du mauvais comportement avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, envers la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit précédemment. Ceux qui disent par exemple, il est permis de se révolter contre le gouverneur, puisque un tel et un tel parmi les pieux prédécesseurs l'ont fait ou on fait quelque chose qui peut ressembler à cela. Vous vous rappelez, je l'ai évoqué. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit dans maintes et maintes hadiths de se révolter contre le gouverneur sous toutes ses formes. Et ceci fait partie du mauvais comportement qu'une personne aura envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ceci, il interdit cela, mais un tel l'a fait, mais un tel l'a dit. Puis, Achir de dire, cette question est valable dans l'hypothèse où il s'agirait de la vision à l'œil nu. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, précise que cette question se pose dans le cas où nous faisons des concessions de débat. Sinon, ce qui est juste, c'est que la compréhension de ce genre de texte, dont le sens est général, s'il est authentique, doit être précisé par l'autre hadith authentique qui stipule qu'il a vu son Seigneur par son cœur. Ceci est la parole d'Ibn Abbas. Donc comment réunir les deux paroles? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu son Seigneur tabaraka wa ta'ala à l'œil nu, mais il l'a vu, comme il est rapporté d'Ibn Abbas, par son cœur. La vision du cœur, il a vu son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Ceci est la croyance des gens de la sunna concernant la vision d'Allah tabaraka wa ta'ala par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme je vous l'expliquais précédemment, la croyance des gens de la sunna concernant la vision des croyants est qu'ils ne verront pas leur Seigneur jusqu'à ce qu'ils meurent jusqu'au jour du jugement. Puis Shir de dire, Ibn Abbas a lui-même restreint la compréhension du sens de la vision qu'il avait prononcée de façon absolue par la vision du cœur. C'est-à-dire que dans certains hadiths, il dit il a vu son Seigneur. Et dans certains hadiths qui sont rapportés dans le Sahih de l'imam muslim, il dit avec son cœur, bifu adihi, avec son cœur. Lui-même qui rapporte ce hadith qui est sujet de divergence auprès de vous, ayyuhannas, lui-même a restreint cette compréhension par le fait qu'il l'a vu avec son cœur. Ibn Taymiyyah dit, l'imam Ahmed parle de la vision de façon absolue et de façon restreinte. Ce qui est juste, c'est la restriction. Puis, Ashir de conclure et de dire, par conséquent, il n'y a point de divergence entre les compagnons à ce sujet. Faites bien attention à cela. Il n'y a point de divergence entre les compagnons à ce sujet. Les hommes de passion diffusent les divergences au niveau des fondements et des croyances, à la place de dogme ici, disent que les compagnons ont divergé au sujet des croyances. Ceci est le propre des gens des passions. Si tu vois quelqu'un qui attaque sur cela, les compagnons eux-mêmes ont divergé. Ne serait-ce que concernant la vision, ils ont divergé. Comme certains... Tu n'as pas entendu, non? Ce que je t'avais envoyé la dernière fois. Certaines personnes qui s'apparentent aux gens de la sunna, qui s'apparentent, mais vraiment en apparence, aux gens de la sunna. Et c'est pour cela, les frères, que nous étudions ces choses-là. Les caractéristiques principales des gens de la sunna, comme cette série qu'on avait fait il y a un moment, de même que les fondements des gens de la sunna. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'un fondement? Celui qui va à l'encontre de son fondement sort de la sunna. Et j'avais évoqué la fatwa de Cheikh Rabi' concernant le fait de ramener la preuve à la personne lorsqu'elle contredit un des fondements de la sunna, si vous vous rappelez. Donc ce détail qui a été fait. De manière générale, il n'est pas permis à une personne, comme le dit Al-Barbahari, dans son livre Sharh al-Sunnah, il n'est pas permis à une personne, ou il ne convient pas de dire qu'une personne fait partie des gens de la Sunnah jusqu'à ce qu'il sache que l'ensemble des fondements de la Sunnah se sont réunis en lui. Une personne qui contredit un des fondements de la Sunnah ne fait pas partie des gens de la Sunnah. Et c'est de la fausse piété, de la fausse crainte, de la crainte froide, comme le disent les savants, de dire c'est quelqu'un quand même qui affirme les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Même s'il dit cela, mais il est quand même sur... Ça, c'est de la crainte froide. Même si ça tend vers cette innovation qui a été rapportée par Al-Ma'ribi, qui a été suivi par Al-Halabi et autres que cela, de dire la croyance et le manhaj sont deux choses distinctes. Une personne peut être salafi dans sa aqidah, dans sa croyance, il affirme les noms et attributs d'Allah Azzawajal, il est comme ceci et comme cela selon la croyance, mais dans son manhaj, être sur le manhaj de l'Ikhwan, être sur le manhaj de Tablir et autres que cela. Ceci est une innovation. Ces deux choses, l'aqidah ou le manhaj, la méthodologie et la croyance sont deux choses indissociables. Indissociables. Vous comprenez ? On l'a déjà expliqué dans des cours précédents. Faites bien attention à cela. Donc, les gens de l'innovation cherchent à diffuser la dissension entre les gens en disant ce genre de paroles. Les compagnons eux-mêmes ont divergé au sujet de la croyance. Donc, il n'y a pas de mal que nous divergions sur certains sujets attraits à la croyance. Nous voulons un manhaj wasi'un afiyah, un manhaj qui englobe tout le monde. Sans aucun doute, ce n'est pas ceci la voie des gens de la sunna et du groupe. Prenez la page 65, s'il vous plaît, nous allons terminer sur cela, le cours d'aujourd'hui. Alhamdulillah. Il dit, donc ici le titre qui est donné, c'est « La parole d'Allah adressée à ses serviteurs le jour de la résurrection ». Donc ceci est clair pourquoi je termine par le cours, par cette partie aujourd'hui. Car nous avons déjà étudier ce qui concerne l'attribut de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ici, l'imam Ahmed parle de la parole d'Allah qui sera adressée à ses serviteurs le jour de la résurrection. Il dit, rahimahullah, dans le sens de ses paroles, Allah parlera aux serviteurs le jour de la résurrection sans interprète entre eux. Sans interprète entre eux, on doit donc croire en cela et l'accepter. Encore une fois, faites bien attention à cette parole. On doit donc croire en cela et l'accepter. L'imam Ahmed, à chaque fin de fondement, on doit donc croire à cela et l'accepter. Ne pas demander pourquoi, ni comment, du moment que ceci est rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que ceci est évoqué dans le Coran, rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu dis la parole des croyants, sami'na wa ata'na. Il dit, Cheikh Rabi', hafidahullah, il n'y a aucune personne d'entre vous à qui Allah ne parlera pas, et il n'y aura aucun interprète entre eux. Donc ici, ceci est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens, comme il est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Il n'y a aucune personne d'entre vous à qui Allah ne parlera pas, et il n'y aura aucun interprète entre eux. Et ceci est donc l'explication de cette parole de l'imam Ahmed. L'imam Ahmed ici, dans ce fondement, s'est appuyé sur cette parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapportée dans les deux recueils authentiques. Puis, al-Shir de dire, avez-vous entendu ? Le Seigneur, azza wa jal, appellera, selon une traduction approximative du sens des versets, et le jour où il les appellera, où sont mes associés, ils diront, nous te déclarons qu'il n'y a point de témoin parmi nous. Et ce qu'auparavant ils invoquaient les délaissera, et ils réaliseront qu'ils n'ont point d'échappatoire. Puis, dans cet autre verset, dans le sens de ces paroles, et le jour où il les appellera, ici on parle encore de l'appel, et le jour où il les appellera, il dira, où sont ceux que vous prétendiez être mes associés ? Encore une fois, l'appel. Et ici, l'appel, An-Nida, est une preuve de la parole qui vient appuyer cet attribut de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis Shir de dire, l'appel ne s'effectue qu'avec des lettres et une voix, et c'est la parole. L'appel An-Nida ne s'effectue qu'avec des lettres et une voix, et c'est la parole. Ici se termine le cours d'aujourd'hui. Bien sûr, je terminerai le cours simplement en reprenant ce hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Unais concernant An-Nida, l'appel. Ce hadith qui est un hadith grandiose, comme je l'ai dit précédemment, qui est rapporté dans plusieurs recueils de hadith selon une bonne chaîne de transmission, parmi ces recueils le Mousnad de l'imam Ahmed et autres. Il est aussi évoqué dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, mais selon une chaîne de transmission ou sans chaîne de transmission, donc c'est un hadith mu'allaq, comme on l'a évoqué dans les cours précédents. Il est évoqué par l'imam al-Bukhari dans Kitab al-Ilm, le livre de la science. Quel livre dans le Sahih de l'imam al-Bukhari ? Le livre de la science. Le premier, le deuxième, le dernier. Kitab al-Ilm. Allez, Shabab. Deuxième. Hein ? Hein ? Le premier, c'est l'Iman. Le premier, c'est l'Iman ? Hein ? Hein ? Le premier, Badul Wahi. Le deuxième, l'Iman. Le troisième, Kitab al-Ilm. Ahsantum. Donc l'imam al-Bukhari rappelle ce hadith sans chaîne de transmission, déjà dans son sahih, au livre de la science. Pourquoi ? Ceci est clair. Il dit le chapitre de la sortie, du départ, du voyage pour l'étude de la science, pour la recherche de la science. Puis il dit, Jabir ibn Abdillah a voyagé à une distance d'un mois de route vers Abdallah ibn Unais, radiallahu anhumain, comme je l'ai évoqué la semaine dernière. Donc ici, l'imam al-Bukhari rapporte ce hadith, ou évoque ce hadith dans son sahih, pour montrer l'intérêt qu'avait as-sahaba dans l'étude de la science, les efforts qu'ils faisaient dans l'étude de la science et dans la recherche du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci, sans aucun doute, est un rappel pour nous. Parfois, 15 minutes de trajet ou 30 minutes de trajet pour assister à un cours ou pour profiter et apprendre notre religion, ceci est dur pour la personne. Ceci est dur pour un nafs. Regardez comment étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme je l'évoquais dans le cours précédent, Jabir ibn Abdillah a entendu que un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait entendu ce hadith. Lui aurait pu l'entendre de la bouche de quelqu'un qu'il a entendu de Abdallah ibn Unais. Malgré cela, il voyagea un mois de Médine jusqu'à la région de Cham pour aller rencontrer Abdallah ibn Unais et pour l'entendre directement de lui, de la bouche de celui qu'il a entendu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est un rappel aussi pour nous. Parfois, lorsque on peut assister à un cours et profiter de cette récompense des assises de science, et parfois il y a, et c'est quelque chose qui est propre à nous tous, parfois il y a une sorte de fainéantise qui peut nous prendre et d'écouter par exemple le cours à, comment on appelle ça, à la radio, et délaisser les mérites de ces assises de science. Regardez, Jabir ibn Abdillah, il aurait pu entendre ce hadith de plusieurs parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'ont entendu d'Abdallah ibn Unais. Malgré cela, il a voyagé un mois à dos d'une monture de Médine jusqu'à la région de Hacham pour entendre simplement ce hadith et repartir. Comme l'imam al-Bukhari le rapporte aussi, encore une fois, l'évoque aussi dans son livre At-Tafsir, donc dans son, cette partie donc de son sahih qui est At-Tafsir, l'exégèse du Coran. Puis l'imam Ahmed le rapporte avec une chaîne de transmission qui est bonne dans son Musnad. Il est rapporté que Muhammad ibn Uqayl ou Muhammad ibn Aqil a dit, j'ai entendu Jabir ibn Abdillah dire, il m'a été rapporté un hadith selon une personne qui l'a entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il lui a été rapporté ce hadith selon une personne qui l'a entendu directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai donc acheté une monture. Ici, il parle de l'ba'ir, qui est le chameau. Je l'ai scellé, donc je lui ai attaché une selle pour pouvoir partir. Et je suis parti à une distance d'un mois, donc de Médine jusqu'à la région de Cham, jusqu'à être arrivé à cette région de Cham. À ce moment-là, j'ai trouvé Abdallah ibn Unais. J'ai dit donc, où je suis arrivé à sa maison, et j'ai dit à la personne qui s'occupe de l'entrée, cette personne qui s'occupe de l'entrée de sa maison, dis-lui que Jabir est à sa porte. Et cette personne a dit, donc celui qui est à l'entrée a dit, Jabir ibn Abdillah ? Il demande qui est ce Jabir. Il dit oui, bien sûr. Puis cette personne est rentrée, partie voir Abdallah ibn Unais, et lui a dit qu'il était là, Jabir ibn Abdillah. Et Jabir de dire que Abdallah ibn Unais est sorti en tenant son vêtement et en le prenant dans les bras. Il est sorti, il tenait son vêtement et il l'a pris dans les bras et il lui a fait l'accolade. Et Jabir de lui faire l'accolade lui-même. Puis il lui a dit, un hadith qu'il m'a été rapporté que tu avais entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai eu peur, j'ai craint de mourir ou que tu meurs avant de l'avoir entendu de toi. Puis Abdallah ibn Unais, donc vous voyez le comportement de Sahaba et leur intérêt dans l'étude de la science, dans la demande de la science, dans la demande de la recherche du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même s'ils auraient pu arriver à ce hadith d'une autre manière qui serait peut-être moins lourde pour lui, plutôt que de voyager un mois. Mais lui, il savait pourquoi il a fait cela. Il sait le mérite qu'il recherche lorsqu'il fait cela. Puis Abdallah ibn Unais de lui rapporter ce hadith Donc ce hadith que j'ai évoqué la dernière fois, qui est dans le sens approximatif de ces paroles, les gens seront rassemblés au jour du jugement. Il a dit les gens ou les serviteurs. Ils seront rassemblés nus, version que je vous avais rapportée la dernière fois, pieds nus, nus ici, non circoncis, non circoncis. Et Bohma, Bohma, c'est-à-dire qu'ils n'avaient rien du tout avec eux. Nus, ni circoncis, rien avec eux. Rien de tout ce qu'ils ont pu avoir comme bien dans cette vie d'ici-bas ne les a accompagnés au jour du jugement. Rien avec eux. Puis il sera appelé, donc Allah Azzawajal appellera avec une voix qui sera entendue par celui qui est éloigné comme celui qui est proche. Comme on l'a dit, ceci fait partie des spécificités de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cette parole, lorsqu'il appelle, est entendue de la même manière par celui qui est lointain comme celui qui est proche. Ceci fait partie des spécificités donc de la parole d'Allah Azzawajal. Et sans aucun doute, cette parole-là n'est pas anodine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hachalahu, qu'ils disent des paroles qui sont anodines, juste comme cela pour être bavard, sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt cette parole a un but précis. Si une parole est entendue par celui qui est proche comme celui qui est lointain, c'est-à-dire que sans aucun doute ce n'est pas une parole que la personne entend en lui-même. Car si elle était entendue en lui-même cette parole-là, comme je l'ai dit, comme le disent les gens de l'innovation, que la parole d'Allah Azzawajal, sa parole, cet attribut, est entendue par les gens en eux-mêmes, il n'y aurait pas de but à cette parole. Car une personne qui est loin ou une personne qui est proche, si elle l'entend en elle-même, elle l'entend de la même manière, dans tous les cas. Mais plutôt ici, il a bien précisé pour nous montrer la spécificité de cet attribut d'Allah Azzawajal dans sa parole, le fait que les gens qui sont éloignés l'entendent de la même manière que ceux qui sont proches. Puis il dit... La fin du hadith, lorsqu'il les appelle, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit « Ana al-malik, ana al-dayyan ». Je suis al-malik, dans le sens approximatif, le souverain, le seigneur, le souverain. Et al-dayyan, al-dayyan, ce nom d'Allah tabaraka wa ta'ala n'est rapporté que dans ce hadith. C'est un hadith grandiose que Jabir ibn Abdillah est parti chercher auprès d'Abdallah ibn Unais, qui affirme ce nom parmi les noms somptueux d'Allah tabaraka wa ta'ala, les noms les plus beaux et les noms parfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala, Ad-Dayyan, qui veut dire dans un sens approximatif celui qui est rétribu. Celui qui est rétribu. Et sans aucun doute, Allah Azza wa Jalla est celui qui rétribue de la meilleure des manières et de la manière la plus juste ses serviteurs. Malik Yawmiddin, Ad-Dayyan. Subhanahu wa ta'ala. Et donc ce hadith qui est un hadith grandiose où nous trouvons l'affirmation de ce nom qui n'est affirmé dans aucun autre hadith que celui-ci. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.